Ah si. Yeah, écoutez, j'ai une idée. Attends, faut que je la cale, faut que je la garde. Toujours en période ACDC. Ready? Après j'arrête. Merde, pourquoi c'est ce qu'elle passe? Whoa.